Il y a ton mari peut-être qui t'a déçu, ma sœur. Mais j'aimerais que tu saches que Dieu est fidèle. Ce qu'il t'a promis se réalisera en dépit de l'infidélité des hommes. Deuxième caractère de Dieu, Dieu est juste. Il n'y a point d'injustice en lui. Et ses jugements sont toujours véridiques et vrais. Je vais parler à quelqu'un. Peut-être que tu te poses des questions. Pourquoi il y a des circonstances difficiles qui arrivent dans ta vie? Il y a des gens que tu estimes qui ne marchent pas une vie de sainteté, qui sont bénis. J'aimerais te dire, ça c'est l'apparence. Dieu est juste. Ne te révolte pas contre Dieu. Il est juste. Il sait tout ce que tu fais. Il prend en compte ton sacrifice, ta consécration. Il est juste dans tous ses jugements. Ne sois pas découragé. Il est dit au verset 4, loin de là, que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Mais le verset 5 continue, mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirions-nous? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère? Non, la réponse est non. Dieu n'est pas injuste. Lorsque tu crois en Jésus, Dieu te justifie. Mais les incrédules, tous ceux qui rejettent Jésus-Christ, vont subir la colère, le jugement divin. Deuxième vérité concerne la culpabilité de l'humanité tout entière. Depuis le premier homme Adam qui a péché, tous nous sommes des pécheurs. Nous avons péché. Même si apparemment tu as une bonne vie de moralité, par nature, nous héritons la nature pécheresse. Nous sommes des pécheurs. Aucun homme ne peut dire qu'il est sans péché. C'est ce que l'apôtre Paul dit ici. Le verset 9. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Vous voyez, toutes ces paroles servent à désigner que l'homme est naturellement pécheur. Contrairement à ce que certains scientifiques ont dit, que l'homme est naturellement bon, c'est la société qui le rend mauvais. Non, l'homme est naturellement mauvais. C'est pourquoi, quand on vient en Jésus-Christ, on reçoit le pardon des péchés. Quand on accepte Christ, on devient régénéré, on passe par la nouvelle naissance, on passe de la mort à la vie. Le seul moyen pour échapper au jugement de Dieu, c'est de croire en celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ, comme Seigneur et Sauveur personnel. Troisième vérité. Personne ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. C'est ce que Paul dit au verset 20. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Il y a souvent des gens qui ne comprennent pas. Il y a des gens qui disent, si nous suivons les 10 commandements, c'est ce que Dieu demande, nous serons sauvés. Mon ami, tu te trompes. Hein? Parce qu'il n'y a personne qui peut obéir parfaitement aux 10 commandements. Le principe, selon la loi, c'est lequel? Il dit, si tu veux être justifié, selon la loi, tu dois mettre en pratique tous les commandements. Même si tu mets en pratique 9 et qu'un jour, tu désobéis à une seule loi ou bien un seul commandement, tu ne seras pas justifié. C'est-à-dire, il faut avoir 10 sur 10 et tous les jours. Oh, personne ne peut prétendre mettre en pratique la loi. Vous voyez? C'est pourquoi Dieu a changé la donne. Dieu a donné son Fils unique, lui qui a appliqué la loi, lui qui a obéi parfaitement à la loi, qui n'a jamais commis de péché. Lorsqu'il est mort sur la croix, il a été jugé à notre place, de telle sorte que c'est maintenant par la foi en lui que nous sommes justifiés, nous sommes déclarés justes. Donc ce n'est pas une question d'obéissance, c'est comme si l'homme est sauvé par ses propres efforts, vous voyez. Ce n'est pas par les œuvres de la loi. Il dit, nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi.

vers les demeures éternelles, vers Jésus-Christ. Bientôt à Dieu chose mortelle, loin de vous je prendrai des ailes, vers les demeures éternelles, vers Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Il est digne de louange, il est digne d'être loué. Élevons ensemble nos voix, bénissons ce Dieu pour sa justice, pour son amour, pour sa bonté, pour sa fidélité. Nous te bénissons, éternel notre Dieu, de ce que, malgré l'incrédulité des hommes, toi, tu restes fidèle. Tu restes fidèle à tes promesses. Nous te louons et nous te bénissons. Pour cela, toi, le Dieu fidèle, toi qui es le même hier, aujourd'hui, éternellement, tu ne changes pas, tu es juste. Oh, sois béni, notre Dieu, notre Père, toi, le Dieu qui agit différemment des hommes. Tu es également celui qui nous justifie. C'est pourquoi nous bénissons ton nom en ce moment. Sois béni, toi qui nous as sauvés par grâce au moyen de la foi en Jésus. Nous bénissons ton nom en ce moment. Nous t'élevons, nous te glorifions. Toi, le Père d'amour, le Père de gloire, le Dieu qui nous a justifiés, qui nous a sauvés par pure grâce. Au nom de Jésus, amen. Amen. Nous rappelons que notre passage du jour, c'est Romains chapitre 3, 1 à 20. Nous sommes à notre émission de prière matinale, que nous appelons en acronyme OSB, Opération sur la brèche. Vous avez la possibilité de réécouter cette émission sur notre site web www.radiofréquencevie.com. Nous venons de voir certains caractères de Dieu dans ce texte. Dieu est fidèle. Dieu est juste. Oui, tu vas prier. Que chacun prie. Peut-être que Dieu t'a fait des promesses. Et à un moment donné, tu commences à douter de la fidélité de Dieu. Ça fait longtemps que tu pries pour ton mariage. Et avec ton âge avancé, tu commences à douter. Les gens te disent, est-ce que vraiment ça peut s'accomplir encore? D'ici là, tu auras 45 ans, 50 ans. Tu commences à douter. Mais écoute, Dieu a promis un enfant, Isaac, à Sarah. Et il a accompli cela dans sa fidélité. Dieu est juste. Tu vas prier pour dire, Seigneur, je veux croire en ta fidélité. Je veux croire que toutes les promesses que tu m'as faites s'accompliront. Prions et déclarons cela au nom de Jésus-Christ. Très excellent Père, c'est en toi que je me confie. J'élève à toi mon âme ce matin pour te rendre grâce pour tous tes bienfaits. Toi qui réalises des grandes choses dans nos vies. L'une des grandes preuves de ce que tu as fait dans ma vie, c'est que je me suis couché hier, je me suis endormi et je me suis réveillé ce matin. Cela ne s'est pas réalisé à cause de mes performances, ni à cause de mes moyens, mais c'est par ta grâce. Et ce matin, Père éternel, je renouvelle ma reconnaissance pour toutes les grandes choses que tu réalises dans ma vie. Je prie au Père éternel pour tous les frères, pour toutes les sœurs qui ont mis leur foi, qui ont mis leur confiance en toi. Oui, Père éternel, nous avons mis notre foi et notre confiance en toi parce que nous attendons de toi un miracle, parce que nous attendons de toi de grandes réalisations, parce que nous attendons de toi l'élévation, parce que nous attendons de toi une très bonne santé. Toi qui es bon, toi qui es juste et toi qui es fidèle dans tout ce que tu réalises. Ce matin, ô Père éternel, nous te disons merci parce que nous avons l'assurance que tes promesses se réaliseront dans nos vies. Père, donne-nous la force afin que nous ne puissions pas douter de tes promesses. Donne-nous la force afin que nous puissions être persévérants. Renforce notre foi, ô Père éternel. Tu es le Dieu d'éternité en éternité. Et ce matin, nous renouvelons notre assurance. Nous renouvelons notre foi en toi parce que tu réalises de grandes choses dans notre vie. Merci, Père, pour tout ce que tu fais dans chacune de nos vies. Merci, Père éternel, pour l'assurance que tu nous donnes. Merci, Père éternel, de ce que tu fais de nous, des ambassadeurs à la gloire de ton nom. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir la culpabilité ou l'état de condamnation de l'humanité. Parce que tous ont péché. Tous ont privé la gloire de Dieu. Bien-aimés, par nature, nous sommes des pécheurs. Et seul Jésus-Christ, seule l'œuvre accomplie par Christ nous permet d'être justifiés, d'échapper à la condamnation. Nous allons prier, surtout pour des parents, des amis, des gens qui vivent encore, même dans l'immoralité, dans l'idolâtrie, des gens même qui pensent que par leur vie de moralité, ils peuvent être sauvés. Il y a beaucoup de gens qui se font des illusions. Prions pour eux. Prions pour que réellement l'Église puisse s'adonner à l'œuvre de l'évangélisation afin que les hommes comprennent que sans Christ, ils sont perdus. Prions le Seigneur. Amen. Nous venons de voir que nul ne peut être justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. Il y a beaucoup de gens qui s'accrochent aux œuvres de la loi, aux bonnes œuvres. Les gens qui pensent que c'est en donnant beaucoup d'argent, en donnant l'aumône, en aidant les gens qui peuvent être sauvés. Il y a beaucoup de religieux qui sont encore dans nos églises. Nous allons prier afin que Dieu renouvelle leur intelligence, afin qu'ils sachent que ce n'est pas les œuvres qui peuvent les sauver, mais c'est la foi en Jésus et en Jésus seul. Prions pour que le Seigneur se révèle à eux au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons rappeler que demain, dimanche, 7 février, nous aurons notre grande rencontre Bonheur Conjugal. Nous aurons deux services. Le premier service commencera à 16h jusqu'à 18h. Le deuxième service commencera à 18h jusqu'à 20h. Nous voulons que tout le monde ait de la place. Le thème, vous le savez, quitter la cendre pour porter les diadèmes. Ça fait longtemps que les gens se manquent de toi parce que tu n'es pas encore marié. Nous allons prier pour enlever ce vêtement qu'on t'a fait porter, ce vêtement d'humiliation, de honte, afin que tu portes la couronne, le diadème. L'entrée est libre. C'était OSP. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant.